soleil dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Voilà, bon dia à la planète et à la familia. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end aujourd'hui. On est le 3 avril. Ouais, pas mal de poissons d'avril ce week-end, hein, des petites blagounettes qui sont tombées, j'en suis sûr. En tout cas, on est heureux de vous retrouver ce matin sous le soleil de Radio Arc-en-Ciel. Et justement, en parlant de soleil, la journée va être ensoleillée avec quelques nuages quand même. Mais les températures sont un petit peu fraîches ce matin au lever du jour. 0 degré du côté d'Orléans, Petitvier, Saint-Jean-de-Bray, La Chapelle, Saint-Mémin. Et on devrait dépasser quand même les 12 voire 13 degrés. Et profiter parce que toute la semaine, ça va être comme ça, du soleil. La journée la plus ensoleillée, ça sera demain, un mardi, 12, 14 degrés, ça va être énorme. Et la journée la plus chaude, bah, ça sera ce week-end. Et voilà, le week-end qui arrive dans quelques jours. Déjà, bah oui, déjà. 14 degrés ce week-end. Ça va faire du bien au moral. Et ça va faire du bien aussi à la peau, un peu de vitamines pour bronzer, pour faire plein de soleil avec vous. En tout cas, on est heureux de vous retrouver ce matin, Francky dans la radio, en direct. Merci d'être aussi nombreux. José qui m'envoie un petit message. Salut Francky, déjà sur la route. Je vais livrer les colis ce matin. Bah ouais, peut-être que vous attendez votre colis dans la boîte. Et ben, France des Rio, il arrive. Bandit à la planète et la familia, et on démarre avec cette reprise que j'adore, Bob Sinclair, qui reprend le groupe Organize dans les années 2000, et franchement, je kiffe. Never know your love like this before. C'est le nouveau Bob Sinclair, c'est sur Radio Arc-en-Ciel en exclusivité. Écoute, on adore, et c'est déjà à la radio. Never you know love like this before. Franchement, c'est une tuerie. Ed Sheeran, perfect. When we fell in love, not knowing.

vient du Kungs là à Orléans pour se réveiller. Et justement, il est tout long le mec, c'est un français. Ouais, Kungs, I feel so bad. Bon réveil, 7h17. Coucou à Léonore qui est connectée. Salut Francky, belle journée à toi. Je vais au taf, je commence à 7h30. Oh, bon, dépêche-toi que ça va, c'est correct. Côté ciel, c'est pas mal aujourd'hui, c'est pas mal. La météo. Et la météo ce lundi matin, 3 avril pour aller au boulot, le ciel va être dégagé avec du soleil, quelques nuages quand même, mais pas de pluie au programme, ça c'est la bonne nouvelle, et normalement ça devrait perdurer toute la semaine. La journée la plus ensoleillée, ce sera demain, avec un grand soleil sur Orléans, la chapelle Saint-Mémin, Olivet ou encore Fleury-les-Aubrais. Une fille qu'on adore, Camille Lelouch, ne me jugez pas, c'est sur Radio Arc-en-Ciel. Cette folie qui abîme mes nuits, vos regards sur moi, vous qui me jugez vite, vous qui ne me connaissez pas, même si vous dites que oui. Où êtes-vous quand je pleure toutes les nuits, quand je crie en silence, quand je tombe dans le vide, que mon frigo est vide? Faites-vous mine de rien voir? Avez-vous peur du noir? Jugez pas, c'est trop facile quand on ne sait pas, c'est trop facile quand on ne voit pas. Ne me jugez pas. Continue, vous anime, vous font vivre ce que vous êtes tordu. Mettez-vous à ma place un moment et voyez ce que j'endure souvent. Je ne veux plus faire semblant d'être heureuse devant vous, que ça vous plaise ou non. Bah tant pis, je m'en fous, vous m'aimerez comme je suis ou peut-être pas du tout, je m'en fous. C'est trop facile quand on ne voit pas. Ne me jugez pas. Ne me jugez pas. C'est trop facile quand on ne sait pas. C'est trop facile quand on ne voit pas. Ne me jugez pas. C'est trop facile quand on voit pas. C'est trop facile quand on ne voit rien. Ne me jugez pas. Arc-en-ciel, ta radio soleil, dès 7h avec Francky. Quel souvenir, le meilleur en 80, Elvin on Fire avec Boogie, Boogie Wonderland. Bel réveil, bon réveil, belle journée, c'est ce que nous dit Émilie du côté de la chapelle Saint-Mémin. Belle journée à toi Francky, Robert aussi, Bob qui est là, salut Bob, bonne journée mon ami, du côté de Saint-Privé, Saint-Mémin. Il y a du monde à Saint-Privé qui nous écoute, je sais pas, il y aura un nid de radio arc-en-ciel là-haut. 7h26 minutes en direct à la radio, Rosaya qui arrive, et oh, Amol, Nosso, c'est sur radio arc-en-ciel, et vous adorez. Mas vamos resolver. Eu quero. O nosso amor não é de hoje. E mesmo que ele fosse, faria tudo de novo. E ainda que pareça louco, mas ouve. Pode ser difícil, mas nós vamos aguentar. Vamos reviver o nosso amor cada manhã. Sempre que me olhas, aceita, vai correr bem. Nós os dois sabemos que eu não quero mais ninguém. Dá-me só tua mão e deixa o lar. Esta briga fazemos as pazes. Amor, beijo daqui. Amor, beijo dali. Abraço bem apertado. Ninguém mais quer sair. On adore à la radio, c'est tout chaud. Soraya Ramos avec Kalema Onoso di Amore. On vous souhaite une belle matinée. Angélique qui nous écoute dans la voiture, à 7h50, elle m'a dit, bah voilà, bon petit message de ta part, Angélique, merci. Merci à Mathieu aussi qui est là, du côté de Saran. Salut Mathieu, belle journée à toi, mon ami aussi. Bonne route pour le taf, et commence à 8h. Voici Gims. Encore une matinée à me demander comment je vais combler tout ce vide que tu as laissé. Je sens

croire. Nous un ami à peine, en se déchirant la voix. Ainsi l'on n'est jamais seul, même au dernier repas. Allez viens, qu'on oublie les mots, les regrets. Allez tiens, dans mes nuits, la lampe allumée. Je demande un peu de rêve, de vérité. Ramenez-moi, ramenez-la. Adouci l'innocence, bercez l'insouciance. Ramenez-moi, ramenez le soleil. Pour que l'envie me revienne et que tout m'émerveille. Pour que l'envie me revienne et que tout m'émerveille. De FM, votre fréquence du matin, au boulot, au bahut, on vous réveille. Toi qui quieres engañarte, si tu bien sabes que ahí no hay amor, es imposible que me olvidaste y que ya no tu tiempo terminó. Dime si cuando Kama. J'espère que vous n'êtes plus dans la chambre, vous êtes parti au boulot quand même. Bandi à la planète et la familia, Francky dans la radio. On est là jusqu'à 9h pour vous accompagner à la porte du bureau, sur le chantier, comme José qui est connecté, on l'adore. Salut mon petit José. Voici le nouveau Soul King, Guérilla, sur Radio Arc-en-Ciel. Ça sera toujours nous les coupables, coupables d'être africains, coupables comme Kadhafi ou comme Nelson Mandela. Maman, c'est le moment, même on a trop souffert. Malige, c'est écrit qu'on devait souffrir plus que les autres. Et les autres, et leurs fils, ils nous ont tout pris. Donc moi, je vais voler chez les riches, comme mon frère Fadji. La la la la. Je chante l'amour au milieu de cette guérilla. Parce que je t'aimerai pour toujours, mon Algérie. Je chante l'amour au milieu de cette guérilla. Il veut pas la paix parce qu'ils connaissent pas la guérilla. Dans nos têtes, c'est toujours la guérilla. Guérilla, guérilla. Dans nos têtes, c'est toujours la guérilla. Guérilla, guérilla. Plus là, si tu me cherches, plus là, si elle me cherche, plus là, si il me cherche, plus là, si tu me cherches. Chez les morts, j'ai rêvé qu'on n'était plus pas, avec notre histoire triste n'était que des morts. Mais en vérité, sans évader ou barricader, tu vas y arriver. Ma maman m'a dit, courage à Wilde. J'attends pas l'amour, mon cœur est mort, bébé. J'attends la paix et j'espère qu'elle va pas tarder. J'étais dans le trou et toi tu me faisais que regarder. Maintenant t'es pas mal gratté, continue de regarder. Je chante l'amour au milieu de cette guérilla. Parce que je t'aimerai pour toujours, mon Algérie. Je chante l'amour au milieu de cette guérilla. Il veut pas la paix parce qu'il connaît pas la guérilla. Dans nos têtes, c'est toujours la guérilla. Guérilla, guérilla. Dans nos têtes, c'est toujours la guérilla. Guérilla, guérilla. Plus là, si tu me cherches, plus là, si elle me cherche, plus là, si il me cherche, plus là, si tu me cherches. En direct ce matin, 96.2 FM, merci d'être là. Antoine qui est connecté du côté de la chapelle. Salut Antoine, belle journée à toi. Salut à Dodo aussi qui est là. Salut Dodo, à la source qui va bosser à l'hôpital. Eh ben, bon courage mon ami, ouais, elle en faut là-haut. Hein. Les urgences saturées ce week-end apparemment. Hein. Du son qui arrive, ça a été le feu ce week-end à l'Alliage à Olivet avec la Jarry sur scène. Et puis la première partie, bah, c'était mon poteau Alex Le Bail qu'on adore à la radio. L'Orléanais en exclusivité. Bravo les mecs de la Jarry, bravo Alex. C'était samedi à Olivet. Je t'ai croisé dans la rue, ton bras m'a frôlé presque en nu. J'ai senti comme une vague de chaleur, comme si d'un coup j'avais un cœur. à mes côtés, unis, soudés, plus que jamais. Si tu savais toutes mes envies, que plus jamais. C'était le feu samedi soir à l'Alliage Café, à l'Alliage à Orléans, à Olivier plutôt, la belle salle où la première partie Alex Lebaille a assuré avec la Jarry, et c'était archi complet. Belle journée à vous du côté d'Orléans, la Chapelle Saint-Mémin au cours Saint-Privé. La météo. Et côté ciel, aujourd'hui le ciel va être dégagé, du soleil, quelques nuages quand même. Les températures sont encore un petit peu fraîches ce matin, mais ça devrait s'améliorer tout au long de la matinée avec des températures plutôt positives, et ça fait du bien, 12-13 degrés. Le soleil va faire son apparition tout à l'heure en fin de matinée, et une semaine plutôt ensoleillée. Demain, un grand soleil sur Orléans et ça va faire du bien, jusqu'à 13-14 degrés. La journée la plus chaude, ça sera ce week-end, 14-15 degrés. Ça va être bien, ça va faire du bien. Coucou à Angélique qui nous écoute du côté d'Orléans. Bisous avec Erwan aussi sur là. On vous fait plein de bisous, la famille. À 7h48 minutes, on est en direct. Et du son qui arrive avec Naps et Gims, Best Life. Belle journée et bon réveil. C'est ma pinto. Moi je prends des selfies jusqu'à Porto Rico. J'avais la haine, j'ai joué jusqu'à l'Enji. J'ai le temtem, j'ai mis le sac à l'Enji. Et la Zina, elle s'habille tout en Fendi. J'suis sur TikTok, elle fait la danse des bandits. J'suis dans des bails de fou, tu vois, c'est pas compliqué. Comme quand j'me jette dans la foule et qu'ils allument les briquets. Ce soir, t'es relou. J'ai mis la soquette sur l'alarme. Qui t'a dit que j'étais fauché? Je viens d'atterrir au bouger. Dans le fond, tout m'a coudé. Je les vois tous jalousés. Je suis très organisé. Des petits chats m'ont bougé. Je suis en airplay tout l'été. L'euro rouge, j'ai pas fêté. Je suis dans des bails de fou, tu vois, c'est pas compliqué. Comme quand je me jette dans la foule et qu'ils allument les briquets. Ce soir, t'es relou, t'as le sang imbibé. La première que tu croises, tu l'appelles mon bébé. Pour mieux sentir ton cœur, je te connais par cœur. Je sais qu'on veut encore. Je vais serrer ton petit corps pour mieux sentir ton cœur. Ma best life. Toute la famille, la Naps, Gims, belle journée, bon réveil. Ton rayon de soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Je viens de voir un truc là à Séville, ils vont faire rouler des bus en 2024 et 2025 au jus d'orange. Ouais, il y a des beaux orangers qui ornent la belle ville andalouse. Et bien du coup, ils vont servir parce qu'ils sont impropres à la consommation, parce qu'ils ne peuvent pas être consommés sur place. Donc bah, la ville a décidé de fabriquer un espèce de biogaz qui permet justement à cette capitale d'Andalouse d'approvisionner toute une ligne de bus dès l'année prochaine. À voir, pourquoi pas, un petit déj comme ça, peut-être vous. Pascal qui est connecté, salut Francky, belle journée à toi, hein, courage pour le taf. Ouais, bah j'y suis déjà depuis 6h, moi je suis là mon ami. Toi aussi, il commence à 8h, non, dans quelques minutes. Vous aussi, vous allez au boulot ce matin. Eh bien, belle journée, bon courage pour ceux qui vont bosser le lundi. Et je sais que c'est pas facile, à l'ancienne, les Fatlaris Band qui arrivent, I'll Like You Know. Et on ira Elvis Crespo avec Cuba Club et Suonemente. Yeah, you wanna know, act just like you know. Ooh, whoa, whoa, you just ought to know. Ooh, yeah. We'll be right back. and measure. Act like you don't, and you won't. So we set the stage for you to see that dancing makes you really wanna be. Yeah. h 57 minutes, ça fait plaisir de retrouver. Ça danse dans la cuisine apparemment, hein, sur Orléans, la chapelle, Tigi aussi. On nous écoute Gidi aussi, Gidi, Tigi, je sais pas où c'est Tigi. Gidi, Tigi, c'est pareil que ça, non, je sais pas. 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard. Salut Virginie qui est connectée aussi, belle journée à toi Francky, bah belle journée, oui, bientôt le taf hein, pour elle aussi qui commence à 8h. Pas facile le lundi matin de se réveiller. Hein. En tout cas on est bien, on est avec vous, on est en direct ce matin. Le collectif Petit C, ma grande famille, voici le nouveau, comment ne pas te louer. J'ai envie de dire amen, bah ouais, pourquoi pas, belle journée, bon réveil, courage à vous si vous allez au taf ce matin, petit déj pour toi, André qui est connecté du côté de la chapelle Saint-Mesmin, bah, belle journée mon ami, Orléans 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard si vous voulez nous joindre, c'est la famille qui est là, voici Khaled, c'est la vie. 7h-9h, Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. Un bonjour à l'antenne, appelle le 02 38 43 48 00. 7h-9h, Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios, besándome otra vez. Suavemente, bésame, I love what you're doing to me, but keep it suavemente. Bésame, bésame, bésame otra vez, que quiero sentir tus labios, besándome otra vez. Besa, besa, besame un poquito. Besa, besa, besa, besa, besame otro ratito. Siento en el aire, por eso cuando te veo, comienzo a besarte. Y si te despegas, yo me despierto de ese rico sueño que me dan tus besos. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, I love what you do to me, but keep it suave. Besame otra vez, que quiero sentir tus labios, besándome otra vez. Besa, besa, besame un poquito. Besa, besa, besa, besa, besame otro ratito. Give me something all that I need, now I want you to come home with me. Baby, when I look into your sexy eyes, makes me wanna kiss you till the sunrise. Kiss me one time, kiss me two times, kiss me again. It's going down, don't change. Don't hurry now. Let me feel your soul. Kiss me a little bit. Suavemente, so I need it. Suavemente, bésame. Que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame. I love what you do to me. It's suavemente, suave. Besame otra vez, suave. Quiero sentir tus labios, suave. Besando otra vez, suave. Besa, besa, suave. Besa un poquito, suave. Besa, besa, besa, besa, suave. Besame otro ratito, suave. I will make you hop and scream, I will kiss you soft and soleil pour vous réveiller ce matin sur Orléans, Olivet, Saint-Privé, La Chapelle. On est là avec vous jusqu'à 9h, c'est Franky dans la radio avec Cuba Club et Suavemente Elvis Crespo. Heureux d'être là, salut Daniel qui est connecté, salut mon Franky, belle journée à toi, bon réveil. Bah oui, moi je suis réveillé depuis 6h mon ami, oh là là. Et vous aussi peut-être, hein, vous allez au taf ce matin, et pas facile le lundi, mais la météo est plutôt clémente aujourd'hui, on fait un point météo. La météo. Et c'est vrai que le soleil, ça nous met de très bonne humeur le matin, parce que le soleil va arriver aujourd'hui avec quelques nuages quand même. La journée la plus ensoleillée, ça sera demain, mardi. Et puis, bah, je vous le disais tout à l'heure, une semaine ensoleillée, nuageuse, mais pas de pluie prévue au programme. Et ça va faire du bien. Les journées les plus chaudes, ça sera demain plein de soleil avec des températures plutôt pas mal, 12 à 13 degrés. Aujourd'hui également 12 degrés sur Orléans. Ça va briller un petit peu avec un peu de nuages, mais demain normalement pas de nuages en vue, que du soleil. Et ce week-end, des températures plutôt agréables. Ah ouais, du soleil, des nuages, mais on va frôler quand même les 15 voire 16 degrés vendredi et samedi. Ça, c'est la bonne nouvelle. La deuxième, le bal de la radio, c'est le 22 avril à l'espace Montition, avec sur scène Georges Guerrero. Il sera là pour ambiancer et mettre le feu le 22 avril à 20h30, et c'est à Montition, à Saint-Jean-le-Blanc, la grosse soirée Radio Arc-en-Ciel. Sur scène, voici le meilleur de Georges Guerrero, et c'est sur Radio Arc-en-Ciel, la radio couleur.

bisous, plein de soleil à Barbara qui souhaite un bon anniversaire à son fils qui a 12 ans aujourd'hui, Léo. Happy birthday Léo, belle journée sous le soleil de Radio Arc-en-Ciel, 8h18. On est en direct jusqu'à 9h et c'est la grande famille du collectif qui arrive. Ah, les souvenirs de l'été dernier, Caliente Cudolo. FM, votre fréquence du matin, au boulot, au bahut ou vous réveille. Mi corazón me pide más. olvidando la razón, olvidando la razón. Y sigue latiendo, que por no morir lo intenta, y lo hará hasta el final. Mi corazón me pide más. Minutes avec Caméléon qui a démarré sa carrière en 2000. Caméléon, masse, heureux d'être avec vous. Bonjour à Doudou qui est connecté. Salut Francky, belle journée à toi, bon réveil. Bah oui, ça y est, direction le taf pour moi. Je commence à 9h. Vos messages 02 38 43 48 00. Le son de Gibraltar et Amel son mélange pour bien vous réveiller ce matin. Bon dia à la planète et la famille. Radio Soleil, dès 7h, avec Francky. minutes avec Lo que paso paso, le son bachata salsa pour bien vous réveiller ce matin, vous emmener au bureau tout en douceur. Coucou Carlos qui nous écoute du côté de la chapelle Famema. Salut Carlos, belle journée à toi. Et le son de Don Omar, Dale Don Dale. Du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Un bonjour à l'antenne, appelle le 02 38 43 48 00. Hey yo, hey yo. Pour que je me sente vexé, les critiques qu'on me faisait me peiner et me blesser. Mais tout ça c'est du passé. Je faisais de la montée pour croquer la vie à pleine. Quand je fais selon mes idées, je vis mes envies pleinement. J'ai bien essayé de changer le passé, mais vraiment rien ne changerait ces événements. Non.

Francky de la radio. On détaille vous, c'est Francky dans la radio. 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard. Samedi soir, c'était le feu à Olivier à l'Alliage avec la Jarry sur scène. C'était archi complet et on adore les familles de la Jarry. Ils étaient là la semaine dernière parce qu'on n'a pas le choix, les Orléanais de la Jarry. On n'a pas le choix, mais là on a le choix d'écouter de la musique ce matin, en tous les cas jusqu'à 9h. Coucou à Léonore qui est connectée. Salut Léonore, belle journée à toi. Elle habite à Orléans-la-Source, elle va bosser du côté de Saint-Privé. Bah bon courage mon ami, elle commence à 9h. Ouais, moins le quart, ça va, t'es large. Le son de la Réunion pour bien vous sortir du lit ce matin, pour bien démarrer cette belle semaine avec du soleil tout à l'heure, c'est promis. Voici DJ Assad, Denis Azor, Alain Ramanissium et William Alalila. Toi dans la gaieté, c'est qu'à peine d'or qui fait t'en pleurer. Quand elle dit fait oublier tout sa grain, à l'eau bouge les reins, c'est gala pour faire t'en passe tout la fin. Mette la foi dans tous les quais, vini danser pas bien topé. Ici c'est grâce à nous dansons frais, de Paris à l'île aux Cé. C'est pour nous amuser. C'est ça. Mettre la foi dans tous les quais. Hey, hey. Vini danser, pas besoin de tomber. grâce à nous d'enfants frais. De Paris à l'île aux Cèdres. De la Réunion, ça fait du bien. Et c'est 25 degrés la Réunion, là, je me regarde un peu Météo France là-haut. Waouh, waouh, waouh, waouh. Bah, nous, aujourd'hui, il va faire 12 degrés avec du soleil qui va arriver tout à l'heure en fin de matinée. Belle journée, bon réveil. Pour ceux qui viennent sur l'île et qui bossent pas le lundi, bah ouais, ça fait du bien de se reposer. Et on les adore. Caméléon, Michael et Steven qui sont venus à la radio plusieurs fois. Oh, la famille, bandit à la planète. Hein. Quando me olhas, dizes vem dançar. Eu fico logo perdido a sonhar. Adoro quando me tocas, bailas sem parar. Eu fico louco e digo vem me amar. Contigo quero ficar, sentir teu corpo no meu. Contigo quero vibrar, por isso bem que eu sou teu. Solo Portugal, Espagne, Camaleon avec Michael et Steven. Ton rayon de soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Et puis ne ratez pas donc ce bel événement de la radio, c'est le 22 avril sur scène. George Guerrero sera là avec toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel pour passer une superbe soirée. Samedi 22 avril, c'est à l'espace Confession. Ne ratez pas ce bel événement au Portugal. Justement, il arrive, George Guerrero. Ne ratez pas cette belle date, 22 avril à Montition. Moi, c'est Georges Guerrero. Que estás cansado de andar e de andar e caminhar, mas voltar sempre ao mesmo lugar. Sei, todas as portas se podem abrir, dia após dia até conseguir. Dá-me a mão, vamos tentar uma vez mais. Saber que se pode, querer que aconteça, esquecer os medos, deitá-los para fora, pintar tua cara com a cor da esperança, pintar o futuro com o coração. Melhor tentar que deixar de tentar. E assim vais ver que não é difícil começar. Sei que o impossível se pode alcançar e que a tristeza um dia irá. E assim será, a vida muda e mudará. Vem sentir que a alma voa, vem cantar mais uma vez. Saber que se pode, querer que aconteça, esquecer os medos, deitá-los para fora, pintar tua cara com a cor da esperança, pintar o futuro com o coração. Saber que se pode, querer que aconteça, esquecer os medos, deitá-los para fora, pintar tua cara com a cor da esperança, pintar o futuro com o coração. Vale mais poder brilhar do que só esperar pelo sol. Qu'il vous faut, hein. Le 22 avril, samedi 22 avril, sur la scène de Radio Arc-en-Ciel, Georges Guerrero, la grosse soirée 22 avril, et c'est à Montession, un événement Radio Arc-en-Ciel. 7h, 9h, le matin c'est bien, et c'est Francky. Bah oui, c'est bien le matin, c'est bien Tintin. Je vous retrouve demain, 7h, 9h. Voici de la Kizomba pour bien vous emmener à la porte du bureau ce matin, sur le chantier peut-être. DJ Ademar, Boy Teddy, Jade Décidi, belle journée, c'est Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM.